il franchissait, paisible, la cordillère des Andes. Ce fut aux environs du pic Tupungato. Il réfléchit. Oui, c'est bien là qu'il fut le témoin d'un miracle. Car il n'avait d'abord rien vu, mais s'était simplement senti gêné, semblable à quelqu'un qui se croyait seul, qui n'est plus seul, que l'on regarde. Il s'était senti, trop tard, et sans bien comprendre comment, entouré par de la colère. Voilà. D'où venait cette colère? À quoi devinait-il qu'elle suintait des pierres, qu'elle suintait de la neige? Car rien ne semblait venir à lui, aucune tempête sombre n'était en marche. Mais un monde, à peine différent, sur place, sortait de l'autre. Pèlerin regardait, avec un serrement de cœur inexplicable, ces pics innocents, ces arêtes, ces crêtes de neige à peine plus gris, et qui pourtant commençaient à vivre, comme un peuple. Tout s'était aiguisé, ces arêtes, ces pics, tout devenait aigu. On les sentait pénétrer, comme des étraves, le vent dur. Et puis, il lui sembla qu'elles viraient et dérivaient autour de lui, à la façon d'un navire géant qui s'installe pour le combat. Et puis il y eut, mêlée à l'air, une poussière. Elle montait, flottant doucement comme un voile le long des neiges. Alors, pour chercher une issue en cas de retraite nécessaire, il se retourna et trembla. Toute la cordillère, en arrière, semblait fermenter. « Je suis perdu. » D'un pic à l'avant jaillit la neige, un volcan de neige. Puis d'un second pic, un peu à droite. Et tous les pics, ainsi, l'un après l'autre s'enflammèrent, comme successivement touchés par quelque invisible coureur. C'est alors qu'avec les premiers remous de l'air, les montagnes autour du pilote oscillèrent. Il se rappelait seulement s'être débattu, avec rage, dans ces flammes grises. Il réfléchit. Le cyclone, ce n'est rien, on sauve sa peau. Mais auparavant, mais cette rencontre que l'on fait...